faire attention pour pouvoir avancer. Il faudra bien bouler dans la foule, dans la canne, bouge, bouge sur ce beat là. Avec un lead, je pointe pas, rock, qui me dit le monde, me dit c'est funky. Et que tout le monde a dit que bouge, bouge, bouge, bouge.